ça fait rager tout le monde. Que l'on traîne ensemble, ça fait rager tout le monde. Wow, ça fait rager tout le monde. Que l'on traîne ensemble, ça fait rager tout le monde. Mais moi tu vois, j'en ai rien à foutre, car tu as illuminé ma vie. Et quand tu m'embrasses le soir dans le noir, je me rappelle pourquoi. Ça fait rager tout le monde. Wow, ça fait rager tout le monde. Que l'on traîne ensemble, ça fait rager tout le monde. Et ton petit cœur me fait rêver, et j'en veux encore, laisse-moi te toucher. Et même quand on s'engueule, moi tout seul, je te rappelle chaque fois. Ça fait rager tout le monde, que l'on traîne ensemble, ça fait rager tout le monde. Wow, ça fait rager tout le monde, que l'on traîne ensemble, ça fait rager.